J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. En pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant, tout allait bien. J'aime lire, mais non, je ne l'ouvrirai pas. Je la laisserai là, cachetée, silencieuse. Je ne risquerai pas. J'aime lire les rapports de police, les tortures, les supplices. J'aime la garde à vue, le pas vers la bavure. J'aime lire les histoires de guerre, les vraies, celles d'hier, celles qui se terminaient et la vie reprenait.